Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans OST, l'émission qui vous parle de jeux vidéo, mais surtout de musique de jeux vidéo. On est ensemble, comme d'habitude, pendant un peu moins d'une heure. Et comme d'habitude également, Emeline est avec moi en studio. Bonjour Emeline. Bonjour Romain. Alors aujourd'hui, je suis bonheur, je suis joie, je suis allégresse, parce qu'on va parler de l'un de mes jeux préférés, un des jeux de l'amour, The Binding of Isaac. Alors Emeline, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus sur ce jeu ? Alors, le jeu The Binding of Isaac, qui est un jeu sorti en 2011, il a été développé par seulement deux personnes, qui s'appellent Florian Imsel, j'arrive jamais à le prononcer. Imsel, merci. Et Edmund Macmillan. Ces deux personnes donc ont développé ce jeu, qui est un jeu de type roguelite. Alors, le genre roguelite, Romain, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors c'est un genre qui est assez vieux en fait et qui est parti d'un jeu qui s'appelle Rogue tout simplement et avec deux caractéristiques principales. C'est la première que c'est beaucoup basé sur l'aléatoire, ce qui fait que chaque partie en fait est unique, donc on ne peut jamais jouer deux fois la même partie sauf si on a vraiment très peu de chance, et aussi sur la difficulté parce que puisqu'on est sur de l'aléatoire à un haut niveau vraiment qui fait dépendre beaucoup de choses dans le jeu, dès qu'on meurt, dès qu'on est face à une situation d'échec, on est obligé de recommencer au tout début. Voilà. Adieu les checkpoints, adieu les sauvegardes. Ça, c'est un jeu pour les vrais. Oui, oui, oui. Et pour ceux qui n'ont pas envie de pleurer à chaque fois qu'ils perdent. C'est vrai. Et donc, ce jeu-là de genre roguelite est aussi un peu particulier parce que c'est une vue du dessus. Ça arrive dans quelques jeux et celui-là, vraiment, ça donne une intention différente. Exactement, il y a d'autres jeux qui sont en vue de profil plus classique, on va dire, et celui-là, il y a vraiment une vue du dessus. Pensez par exemple aux Zelda, aux premiers Zelda ou aux Zelda sur Super Nintendo, qui sont également vus du dessus en fait. Voilà. Alors justement, imaginez-vous dans un monde cauchemardesque où il va falloir affronter différentes créatures grâce à nos larmes, parce que nos larmes sont nos armes dans ce jeu, où vous allez tirer vraiment différents types de larmes, parce qu'en fait, différents types, vous allez pouvoir récupérer pas mal d'objets, des objets passifs et des objets actifs. En fait, ça va faire évoluer votre personnage grâce à ces objets, et ça va l'améliorer ou des fois plutôt l'handicaper, parce qu'en fait, on connaît au début pas tous les objets et pas toutes leurs actions qui changent à chaque fois. Et donc les larmes vont changer aussi, et au lieu des fois de vraiment viser vos ennemis par exemple, elles vont tourner autour de vous. Et alors là, pour tuer les gens, ça devient compliqué quand même. Voilà, et la seule manière de connaître l'effet d'un objet, c'est de le prendre. Donc en fait, on n'a pas le choix. Si on veut découvrir le jeu, on est obligé d'essayer. Et la plupart du temps, le jeu est assez punitif. Donc si jamais on a pris le mauvais objet, ben, tant pis pour nous, il va falloir se débrouiller avec. Voilà, Binding of Isaac, c'est un jeu aussi qui est renommé parce que il est très fort et très et surtout très très vaste, parce que on parle des objets donc qui améliorent votre personnage, il y en a des centaines maintenant avec toutes les versions du jeu. Et c'est un jeu aussi qui est connu parce qu'il fait beaucoup de références à d'autres jeux vidéo, pêle-mêle on peut citer Bomberman, Pac-Man, Super Meat Boy, Fez, mais évidemment la grosse inspiration, j'en ai déjà parlé, c'est Zelda, avec déjà cette vue du dessus, mais en fait la façon d'explorer les niveaux dans Binding of Isaac reprend la façon en fait de faire dans un donjon de Zelda, principalement donc celui de 86, le tout premier, et celui de Super Nintendo, A Link to the Past, où vraiment là en fait il y a plein de références partout, et la manière de jouer fait vraiment penser à ces jeux-là qui datent maintenant des années 80-90. Et donc ce jeu sorti en 2011, il a eu une nouvelle version du jeu qui s'est intitulée Rebirth. Cette version-là est sortie en 2014. Alors c'est toujours Macmillan avec le studio Nicalis qui a géré cette création, cette extension. Et on aura après une autre extension. Oui. Ouais, l'extension qui s'appelle Afterbirth. C'est juste pour préciser que du coup Macmillan a repris la main et que Florian Imsel, dont on a parlé, n'est plus du coup dans l'équipe de développement. Il ne s'occupe plus, lui qui était à l'origine en fait du tout premier, a disparu du coup des radars pour la suite. Voilà, mais ils travaillent toujours avec Macmillan, ils sont sur un prochain jeu ensemble. D'accord. Et justement, donc après, ils s'occupent toujours d'une extension à Rebirth qui s'appelle Afterbirth, et celle-là, elle sera 2 ans plus tard, donc en 2016. Exactement, et là il y en a même une toute dernière qui est sortie qui s'appelle Afterbirth Plus, qui est vraiment là la toute, toute dernière version du jeu. Mais il y a également une version, on va dire, un peu officieuse, qui a été en fait développée par des fans du jeu, qui ont décidé de mettre de leur propre denier pour développer une version alternative en fait, de Binding of Isaac Rebirth, qui s'appelle Binding of Isaac Antiverse, et qui est sorti également en 2016, et donc qui est vraiment un jeu vraiment à part entière, créé uniquement par des fans, et on trouve ça assez fort, la manière dont ils ont fait ça. Oui, parce que ce n'est pas des fans qui font vite fait des petits dessins avec un logiciel, et puis qui rajoutent une musique qu'ils aiment bien par-dessus au dernier moment à l'arrache. Non, ce sont des professionnels, je pense, de chacun dans leur domaine. Et du coup, ça donne un vrai jeu Binding of Isaac. On ne voit pas la différence avec les précédents. Puis, bon, on fera les critiques plus tard, mais c'est impressionnant. Donc là, on va vous présenter donc trois versions en fait, de Binding of Isaac. La toute première, la version Rebirth Afterbirth officielle et la version officieuse, entre guillemets, d'Antiverse. Donc c'est ces trois versions-là qu'on va vous présenter tout au long de l'émission. On va essayer de caser tout ça en à peu près d'une heure. Vous allez voir, c'est assez compliqué. Mais on ne vous a pas encore parlé vraiment de l'histoire en fait de Binding of Isaac. Il faut savoir qu'au début, tout se passe bien. Isaac vit tranquillement avec sa maman. Isaac and his mother lived alone in a small house on a hill. Isaac kept to himself, drawing pictures and playing with his toys as his mom watched Christian broadcasts on the television. Life was simple, and they were both happy. That was until the day Isaac's mom heard a voice from above. Your son has become corrupted by sin. He needs to be saved. I will do my best to save him, my lord, Isaac's mother replied, rushing into Isaac's room, removing all that was evil from his life. Again, the voice called to her. Isaac's soul is still corrupt. He needs to be cut off from all that is evil in this world and confess his sins. I will follow your instructions, Lord. I have faith in thee, Isaac's mother replied, as she locked Isaac in his room, away from the evils of the world. One last time, Isaac's mom heard the voice of God calling to her. You've done as I've asked. But I still question your devotion to me. To prove your faith, I will ask one more thing of you. Yes, Lord, anything, Isaac's mother begged. To prove your love and devotion, I require a sacrifice. Your son, Isaac, will be this sacrifice. Go into his room and end his life as an offering to me to prove you love me above all else. Yes, Lord, she replied, grabbing a butcher's knife from the kitchen. Isaac, watching through a crack in his door, trembled in fear. Scrambling around his room to find a hiding place, he noticed a trapdoor to the basement hidden under his rug. Without hesitation, he flung open the hatch, just as his mother burst through his door and threw himself down into the unknown depths below. Voilà donc l'introduction en fait de Binding of Isaac que vous pouvez entendre tout simplement en lançant le jeu. Il y a une petite animation qui se lance et qui vous raconte cette histoire assez rapidement. Pour ceux qui ne sont pas anglophones, en fait, donc l'histoire nous raconte de Isaac qui vit tranquillement avec sa maman dans une maison sur la colline. Tout se passe bien jusqu'à ce que la mère entende en fait une voix qui lui parle d'au-dessus. On suppose évidemment que c'est le Très-Haut et donc il va demander qu'elle prive son fils Isaac au fur et à mesure de choses parce que Dieu dit que Isaac est corrompu et donc il faut enlever tout ce qui peut le corrompre à nouveau. Donc elle va tout lui enlever, ses jouets, ses vêtements même, etc. Au final, en fait, évidemment, il va lui demander un sacrifice. Donc elle va se rendre dans sa chambre avec un couteau de boucher. Mais Isaac, ayant vu la scène, la voit arriver et donc descend en fait tout simplement au basement, à la cave, pour échapper à sa maman. Et il se retrouve évidemment dans un monde très, très étrange. L'histoire est évidemment inspirée du récit biblique d'Abraham, où Abraham en fait est sonné par Dieu d'exécuter son fils en sacrifice à Dieu. Il faut savoir que dans l'histoire biblique, évidemment, il y a un ange qui descend sur terre pour arrêter le geste d'Abraham et sauver la vie d'Isaac. Le scénario de Binding of Isaac est un peu en retrait parce que c'est pas quelque chose qui est dit, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de cinématiques finalement. Il faut vraiment arriver à la fin du jeu pour avoir une courte scène qui dure une dizaine de secondes la plupart du temps. Mais il est assez intéressant et surtout, il ne faut pas le mettre trop en retrait parce qu'il a beaucoup de symbolique, beaucoup de choses évidemment religieuses, mais pas que. Et pour essayer de comprendre vraiment l'histoire d'Isaac, il faut s'attacher aux petits détails. Et moi, encore plus, ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que c'est une histoire qui est ouverte à l'interprétation. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs fins possibles et surtout, vous pouvez essayer de comprendre vraiment ce qui s'est passé dans la vie d'Isaac et dans sa famille, parce que vous allez découvrir que ce n'est pas si simple que ça au final. On va enchaîner maintenant en présentant les compositeurs, parce qu'on vous a dit trois versions du jeu, donc évidemment trois compositeurs différents, ça a fait du monde, il va falloir commencer dès maintenant, et on commence avec peut-être le plus célèbre, on va dire, des trois, dans le monde du jeu vidéo en tout cas, et il s'appelle Danny Baranowski. Et ce cher Danny Baranowski est un musicien autodidacte américain, qui est compositeur pour des films indépendants, et du coup aussi maintenant pour des jeux vidéo. Il commence dans le jeu vidéo au début des années 2000. Il est membre de la communauté OC Remix. Et d'ailleurs, c'est une connaissance de Mr. MV, un certain Mr. MV qu'on a interviewé maintenant il y a quelques mois, avec qui on avait discuté de ses connaissances justement en matière de compositeur de jeux vidéo. Et il nous avait dit qu'il connaissait ce fameux Danny Baranowski, qui en effet, Danny Baranowski devient fameux, surtout depuis Binding of Isaac. Donc, avant 2010, un jour, Adam Salzman lui montre le jeu Gravity Hook, qui est le jeu justement que lui a développé, je suppose. À ce moment-là, donc, Danny Baranowski se dit que le jeu est super et il en crée la musique sans qu'on lui demande quoi que ce soit. Et Adam Salzman va trouver vraiment ça super. Oui, il va intégrer la musique dans le jeu Gravity Hook. Ils vont même faire un autre jeu ensemble qui s'appelle Cannabolt et dont Baranowski fait également la musique. Et donc Salzman lui présente un petit peu plus tard, vu que ça se passe bien, il lui présente Edmund Macmillan, dont on a déjà parlé. Ensemble avec Danny Baranowski et Edmund Macmillan, ils vont faire Super Meat Boy, qui est un petit jeu indépendant. Ouais, qui a eu un très grand succès, un jeu de plateforme indépendant qui était un peu le retour du platformer super, super compliqué et qui a été notamment primé pour sa musique aussi. C'est ce que j'allais dire, avec une musique bien dynamique et présente et qui fonctionne bien parce que c'est quand même un jeu aussi qui est assez énervant au niveau des morts à répétition. Oui, non, mais c'est un vrai tour de force la musique de Super Meat Boy. Et après ce jeu-là, justement, ils se mettent ensemble sur Binding of Isaac. Ça marche bien, la musique, vous allez l'écouter, ça fonctionne. Par contre, eux, leur relation, ça fonctionne un peu moins bien. Il y a une fin de collaboration juste après ce premier jeu. Ouais, pour des divergences créatives, on va dire, surtout de la part de Macmillan qui voulait essayer autre chose dans ses jeux. Et on se demande, mais visiblement, ils ne sont pas trop en communication ces derniers temps. Ouais. Donc, Danny Baranowski est un compositeur de musique électronique chiptune qui est pas mal porté sur la mélodie, qui met vraiment en avant la mélodie dans ses compositions. Et pour que vous ayez un vrai exemple flagrant, on va pouvoir vous passer un des morceaux de Binding of Isaac, qui s'appelle le Basement. voilà la chanson du Basement, donc le tout premier niveau que l'on voit dans Binding of Isaac. Et donc voilà la version de Danny Baranowski. Mais on vous l'a dit, trois jeux, trois compositeurs. Et donc pour la version Rebirth qui est sortie en 2014, Edmund Macmillan fait appel à un autre groupe qui s'appelle Ridiculon, qui est un groupe de musique composé de deux personnes, Mathias Bossi et John Evans. Alors eux, ils ont des parcours un peu plus classiques, on va dire, en tant que musicien, plutôt que Danny Baranowski, qui est plutôt autodidacte et plutôt dans la musique chiptune. Eux, c'est vraiment des musiciens de rock qui ont chacun eu leur groupe et qui ont fait les tournées chacun de leur côté. Et avant d'être ensemble, donc ils sont musiciens, guitaristes, batteurs, etc. Ils sont vraiment dans la formation rock assez classique. Et ils ont du coup amené une autre expérience du coup pour la musique de Rebirth. Ils ont amené un son beaucoup plus acoustique et organique. Il y a évidemment de l'électronique dedans, hein, mais voilà, toutes les parties guitare, batterie, etc., c'est eux qui s'en occupent. Et ça s'entend en plus, de toute façon, au niveau du son. Et ils ont aussi réussi à créer un son vraiment plus dans l'ambiance et surtout en faisant vraiment plutôt du sound design que de la musique, mais on va en reparler un petit peu après. On vous passe en tout cas leur version du Basement de Binding of Isaac Rebirth cette fois. Donc voilà la version de Binding of Isaac Rebirth qui s'appelle Diptera Sonata, donc qui est pour le même niveau, le Basement. Et on enchaîne du coup cette fois avec la dernière version du Basement, celle de Antibirth, donc la version faite par les fans. Alors ce fan-là, le musicien, est un musicien indien qui se nomme, navré d'avance, Abhijit Shilanath. Son pseudonyme c'est Mudeth. Il fait de la musique chiptune aussi, donc en fait finalement avec ce musicien là on revient pas mal à ce qui a pu être fait par Danny Baranowski, donc que ce soit par des clins d'œil ou vraiment stylistiquement parlant, on y revient un petit peu. On vous fait écouter tout de suite sa version du Basement. Thank you. Innocence Glitched, donc la version anti-burst du Basement pour Binding of Isaac, donc faite par Mudes cette fois. Voilà, vous avez les trois compositeurs, donc, et chacun leur style qui ont été faits dans les différents niveaux. Donc là, on va passer vraiment à l'analyse des morceaux et on va vous expliquer comment ça se passe. En fait, dans Binding of Isaac, vous l'avez entendu dans l'histoire, le petit Isaac descend en fait dans les caves pour pouvoir échapper à sa maman, et en fait, il ne va faire que descendre au fur et à mesure des niveaux. Donc il y a plusieurs sortes de niveaux, il y a le basement, les caves, les depths, les wombs, et ensuite on passe à un autre chemin dont on vous parlera plus tard. Et en fait à chaque fois ça c'est un couple de deux niveaux, et là on va en fait vraiment suivre Isaac dans sa descente, et on va vous montrer soit des comparaisons, soit des titres de la version qui nous a le plus plu. Donc voilà, on vient de passer donc avec les trois basements, donc ça y est, on vient de descendre un premier étage, et maintenant il faut descendre encore plus bas, et cette fois on va se retrouver donc dans les catacombes. Voilà l'ambiance des catacombes dans Isaac. Alors je voulais pas préciser, j'ai oublié, on est bien dans Binding of Isaac Rebirth, là, donc avec la version composée par Ridiculon. Et on est dans les catacombes, je vous ai pas expliqué ça non plus, qu'en fait, je vous ai parlé de Basement, Cave, Depths et Womb, mais des fois il y a des noms alternatifs en fait qui désignent la même partie du niveau, mais parce que le design et le morceau n'est pas tout à fait le même du coup pour ces ambiances-là. Alors, les catacombes Rebirth, qu'est-ce qu'on en dit, Emeline ? Alors là, ce que vous avez pu entendre dans l'effectif, en fait, on va pas dire l'effectif instrumental, mais l'effectif des sons qu'on a pu entendre, on a des grouillements de sons qui sont très présents et surtout inarrêtables, comme s'il y avait pas mal d'insectes. Enfin, ça grouille tout le temps, ça n'arrête pas avec des sons retravaillés. Peut-être des sons qui étaient faits à l'origine comme du bruitage, on sait pas trop. En tout cas, ça a été repris après et retravaillé avec de l'électronique. On a de la percussion, toujours bien présente, avec sans doute un jeu sur une batterie. Et puis on a des sons tenus qui font un peu penser au son d'une scie musicale. Et ça, c'est assez rare d'avoir ça, mais là, ça laisse des sons aigus qui traînent par-ci par-là. C'est pas très rassurant. En plus, tout ça est fait avec des dissonances, donc les sons se frottent et on tend vers un son puis vers un autre. C'est plutôt bien écrit, mais ça grouille vraiment de beaucoup de choses. On voit tout de suite avec ce morceau, en fait, le style de Ridiculon, donc qui est plus dans l'ambiance finalement que dans un morceau mélodique qu'on peut identifier très rapidement. Et surtout avec une construction assez anarchique, en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas... Enfin, pour quelqu'un qui aime les choses un peu en ordre, ça va être très compliqué de suivre la musique de Ridiculon, parce que c'est vraiment... Ça part un peu dans tous les sens. Et surtout, il y a, voilà, comme tu disais, une espèce de grouillement, en fait, global, qui fait que c'est difficile de distinguer quelque chose là-dedans. Et c'est un morceau qui fait plus penser finalement à du sound design qu'à un véritable morceau de musique comme on le connaît traditionnellement. Donc c'est assez intéressant et vous allez pouvoir entendre dans les différentes chansons que c'est un peu le style de Ridiculon. On va poursuivre d'ailleurs avec eux, mais cette fois dans l'extension Afterbirth, donc c'est toujours eux qui s'occupent de la musique, et je vous ai parlé de niveaux alternatifs. On reste toujours dans les caves, mais cette fois on va aller vers des caves inondées. Ah, cette guitare qui crache. Là, on l'entend bien, le groupe de rock. Hein. Voilà. Y a pas de souci. Exactement. Donc ça, c'est l'autre versant de Ridiculone. C'est du sound design, mais aussi un groupe de rock, tout simplement. Et donc là, on se retrouve avec l'effectif groupe de rock tout à fait classique, avec guitare, basse, batterie, qui commence ce morceau et de manière impeccable, je dois le dire. Avec des sons du coup retravaillés pour justement faire des clins d'œil à cette cave inondée. Donc du sound design qui est lié à l'eau. On a beaucoup de résonance, des notes qui se déplacent un petit peu comme si on avait des points de repère. Et en même temps, à chaque fois, c'est comme si ça résonnait, comme si on était dans une grotte humide et que c'était des gouttes d'eau qui tombaient sur le sol. Et puis on a aussi des sons d'éclaboussures. Alors là, c'est vraiment comme si on avait retravaillé le son de la guitare. Et à chaque fois, on a le son qui se déploie un petit peu plus que d'habitude et de façon un peu mouillée, quoi. C'est vraiment cette sensation-là. Et c'est très bien fait d'ailleurs, parce que c'est évidemment lié au graphisme. Bon, toute musique est liée au graphisme, mais là ça se trouve très bien parce que Binding of Isaac joue plutôt dans les tons ocre et marron, on va dire, pour représenter la terre et le sous-sol dans lequel on est. Ça va changer encore un petit peu après, mais là on se retrouve vraiment dans un monde qui est très particulier parce qu'il est tout bleu. Et c'est le seul, en fait, dans l'univers de Binding of Isaac qui est aussi bleuté comme ça, en tout cas à ce niveau-là, et qui est vraiment dans une grotte humide, comme tu disais, avec de l'eau qui goutte du plafond et de l'eau qui ruisselle aussi des murs. Enfin, vraiment, c'est des caves inondées, ça marche plutôt bien, et la sensation avec la musique marche vraiment très très bien, je trouve. Oui, et on sent qu'on n'est pas très très à l'aise, mais c'est l'harmonie aussi qui joue là-dedans, l'harmonie musicale, donc qui fait qu'on est... On n'est pas serein avec des sons qui restent un peu toujours au même endroit, toujours les mêmes basses. Et puis des fois ça change, mais c'est toujours un peu dans les mêmes horizons. Et du coup, il y a beaucoup de chromatisme aussi, c'est-à-dire des demi-tons. On va de demi-ton en demi-ton, on remonte, on descend. Et tout se fait pas à pas, mais assez lentement. Et c'est pas très confortable. Ça tombe bien parce qu'on ne va pas aller vers le confortable, on va continuer à descendre. Donc après donc le basement... Les caves vient les depths. Et donc justement dans la première version des depths, des profondeurs, on a une introduction dans le morceau que vous allez entendre. Écoutez attentivement comment ça se passe, comme ça vous aurez vraiment tous les points de repère qu'il faut. L'introduction, on a des percussions qui sont aussi avec des cordes graves qui ont un effet électronique. Ça donne un caractère très sombre. Les violons et les altos aussi vont arriver. Et puis d'un seul coup, on arrive sur une partie qui est plutôt courte, mais le rythme est très rapide. Les cordes font une montée avec la mélodie jusqu'à un climax. Vraiment, on monte petit à petit, on monte, il y a un suspense grandissant. Et hop, d'un seul coup, on arrive dans la deuxième partie. Et là, cette fois, c'est le calme avec le piano qui joue. Et on a beaucoup de sons type maison hantée qui ne nous mettent pas très à l'aise, un son de fantôme, fantomatique. Et le tempo est assez lent, donc c'est vraiment du calme d'un seul coup qui arrive. Et puis la conclusion, on sent que la boucle arrive parce qu'en fait les cordes graves reviennent et on se rapproche petit à petit de l'introduction du début. Et c'est plutôt bien construit parce que dans un jeu vidéo, on l'a déjà dit, les boucles, ça fonctionne vraiment bien. On vous laisse écouter Depths de la première version de Binding of Isaac. We'll be right back. Donc on se retrouve dans les depths, les profondeurs évidemment, donc qui est la troisième partie du jeu Binding of Isaac. Et là, on se retrouve vraiment dans un univers qui change radicalement. Je vous parlais des tons ocre et marron, et là, on passe au gris directement parce que on sent que là, on vient d'entrer très profondément dans la terre. Et surtout, il ne faut pas oublier qu'on est poursuivi quand même par une maman qui est toute prête à nous découper avec son couteau. Donc, il va falloir se défendre. Et là, en fait, les depths, c'est le premier moment où on va à nouveau rencontrer en fait, notre maman par l'intermédiaire de son pied, pour être tout à fait clair. Et donc, c'est vraiment un des premiers moments où l'univers va vraiment basculer dans autre chose, dans un truc beaucoup plus sombre. Et mais c'était pas joyeux avant, hein, on est d'accord. Mais là, vraiment, on arrive dans un endroit très très noir et très très sombre et très inquiétant. On va d'ailleurs continuer quand même dans l'inquiétude, hein, parce qu'on est là-dedans. Ça va être le thème un peu de l'émission. On va du coup s'écouter, par contre, cette fois-ci, la version de Ridiculon, donc de Binding of Isaac Rebirth. Et on reste toujours du coup dans les profondeurs. Alors là, du coup, on passe de l'ambiance sombre du précédent Depths à quelque chose de beaucoup plus glauque. En fait, dans le précédent, ce qui était assez intéressant, c'est qu'avec les cordes frottées, on était comme dans une ambiance un peu connue, comme dans une musique de film d'action où on n'était pas trop perdu. Et puis là, on se retrouve avec une musique où il n'y a pas de rythme, donc c'est non mesuré. Il y a un battement, comme s'il y avait une percussion, mais on ne sait pas trop vers où elle nous emmène. En fait, là, pour le coup, ça fait presque plus une bande-son de film d'horreur avec plein de sons différents, en fait. Et c'est là qu'on voit, je trouve, sur ce morceau, la plus grande différence entre les deux compositeurs, Danny Baranowski pardon, et Ridiculon. On voit vraiment là deux manières d'appréhender, du coup, l'aspect inquiétant et effrayant, en fait, du jeu, avec quelque chose de très mélodique et de très fourni avec de l'orchestre et tout ça pour Danny Baranowski. Et là, vraiment, une absence la plus complète, enfin la forme la plus épurée en fait, possible d'ambiance horrifique. Il y a très très peu de choses. On est encore une fois plus proche d'un morceau de sound design que d'un morceau de musique, avec notamment les voix qu'on peut entendre au son, etc. Mais vraiment, là, on est très très très très loin d'un morceau de musique classique, et c'est vraiment la patte des deux compositeurs. Là, on voit vraiment l'écart entre les deux et la conception qu'ils ont de l'univers de Binding of Isaac, qui est radicalement différente. Et c'est pas un morceau qu'on écouterait comme ça pour se faire plaisir au coin du feu. Allez, un petit coup de Depths. Et on a en plus une mélodie au piano qui pourrait être une mélodie sympathique. On connaît le piano, on sait comment ça marche. Mais là, le son au piano est très aigu et surtout, il est doublé avec un son de piano cassé qui nous fait grincer des dents plus qu'autre chose, en fait. On va passer maintenant à la troisième version dont on a assez peu parlé jusqu'à présent, parce qu'on voulait vous parler surtout des deux premières. Donc la version Antibirth avec Mudes à la baguette au niveau musical. Il faut savoir qu'Antibirth, donc, c'est un mode créé par les fans, on le répète. Et du coup, ils ont profité en fait, pour se faire plaisir et pour imaginer tout ce qu'ils n'avaient pas dans le Binding of Isaac Rebirth. Et donc, ce qu'ils ont inventé, en fait, c'est un chemin alternatif, on va dire, dans Binding of Isaac. C'est-à-dire que là, vous avez Basement Cave, Depths et Womb. Si vous suivez, en fait, exactement l'intrigue de Antibirth avec les objets qu'il faut collecter, les énigmes qu'il faut résoudre, parce que c'est vraiment un chemin de réflexion, vous allez tomber, en fait, sur des niveaux alternatifs. Il y a notamment les mines qui remplacent les caves. Et ce qui remplace, en fait, les profondeurs, c'est le mausolée. We'll be right back. Binding of Isaac Antibirth avec donc le morceau du mausolée qui s'appelle Machine in the Walls. Et on entend principalement une mélodie assez entêtante au piano qui est pourtant... On parle souvent de mélodie pour une voix qui ressort un petit peu du reste, mais là c'est vraiment l'accompagnement du piano qui fait... Et puis qui n'arrête pas. Donc on nous met dans une ambiance assez entêtante. Avec le piano qui est ensuite repris à l'orgue, et ça donne pas du tout d'ailleurs la même sensation. L'orgue, on n'en a pas encore trop parlé, et là il commence à avoir une place assez importante dans ce morceau là avec l'orgue. Justement, on entend du coup un caractère assez solennel à cette musique. Il faut avouer que là on était quand même dans des endroits assez pouilleux, la cave vraiment, où ça grouille plutôt de bestioles, où c'est pas très rassurant, et là on se retrouve plutôt dans une ambiance qui est toujours aussi glauque et qui vraiment rappelle à la mort. Mais là on est quand même dans un endroit plutôt noble, parce qu'un mausolée c'est quand même vraiment un bâtiment qui est fait là pour garder les morts, et qui est plutôt une belle bâtisse logiquement. Donc c'est un peu une des rares fois dans Binding of Isaac qu'on va voir ça. Et dans Antibirth, ça amène aussi à un aboutissement. Ça veut dire que si vous avez bien résolu les énigmes, c'est là que vous allez aussi comprendre où tout ça vous a emmené. Donc c'est une sorte d'aboutissement dans l'Antibirth, et je trouve que la musique amène très bien ça. On a aussi l'arrivée du xylophone à un moment donné, un peu perdu au milieu de cette musique très ample. Et du coup, ça donne un côté plus léger et plus enfantin, qui rappelle un petit peu aussi la musique qu'a pu composer Danny Baranowski, avec des choses des fois peut-être plus légères que ce qui s'est trouvé après avec les musiques de Ridiculon dans les versions suivantes. On enchaîne ? On enchaîne, du coup on continue notre descente aux enfers, et là on arrive dans un niveau très très spécial et très très dérangeant, on va pas se cacher. On arrive à The Womb. Alors, The Womb, c'est un endroit assez inquiétant. Faut savoir que The Womb, en anglais, en fait, ça se traduit en français par utérus. Voilà, parce que là, on se retrouve vraiment physiquement dans le corps de notre maman. On vous avait dit que c'était un jeu assez glauque, mais là, il est même malsain, et il ne faut pas se le cacher. Et donc là, on arrive donc dans un univers fait de chair et de sang, parce qu'on se retrouve physiquement dans le corps de quelqu'un. Voilà. Et les différentes musiques de The Womb ont été toutes intéressantes, mais celle-là, c'est bien, ça nous fait vraiment écho à ce qu'on a entendu avec le mausolée. On a une rythmique qui est lancée là, après la mélodie à la guitare, qui est toujours dans ce schéma entêtant, avec un son électronique qui est très très rapide, et ça, on est obligé de se laisser embarquer par cette musique directement. Il y a le piano après qui remplace la guitare, et on a aussi des basses qui sont très très présentes, et ça peut nous rappeler aussi la première bande-son de Binding of Isaac, le tout premier fait par Danny Baranowski, qui est du coup aussi peut-être un clin d'œil, mais du coup on se retrouve vraiment avec des choses très imposantes dans les graves, mais le son électronique qui fait une boucle qui rappelle plutôt le style de Mudeth, justement. Ouais, on vous a mis celle-là, c'est aussi parce que c'est un peu plus la plus mélodique, on va dire, parce que les autres sont vraiment très très inquiétantes et assez vides, où il y a justement que les sons graves qui restent. pour une atmosphère très bizarre, parce qu'en même temps, là, on est quand même dans un monde assez bizarre à ce moment-là. On continue donc notre poursuite, et là, on ne va pas descendre pour une fois, on va monter, parce qu'une fois que vous arrivez à la fin de The Worm, vous affrontez pas le pied de maman, mais son cœur. Et une fois que vous avez battu son cœur, vous avez un choix, soit vous descendez en enfer, soit vous montez à ce qu'on appelle la cathédrale. Cette première version des cathédrales est issue du premier jeu, Binding of Isaac, donc la version de Danny Baranowski. On a des voix qui sont très présentes, des voix assez aiguës qui chantent à l'unisson. On a supposé en latin, même si on n'a pas très bien entendu tous les mots. Elles sont assez élevées et en fait, ça rappelle un petit peu le jeu Nier, dont on a déjà parlé dans cette émission. On a aussi pas mal de voix comme ça à l'unisson, assez aiguës. Ça peut être des voix de femmes ou des voix d'enfants, il doit y avoir peut-être un peu les deux. Il y a pas mal d'électro qui résonnent et puis justement avec des percussions aussi. Qui sont là pour dynamiser tout ça. Mais le principe vraiment ultime, c'est qu'on a quand même un orgue qui est là et qui accompagne ces voix. Et on se doute bien que dans une cathédrale, des voix, un orgue, ça marche plutôt bien, quoi. Cette fois-ci, on va enchaîner avec la version de Rebirth et on continue dans cette cathédrale. Alors là, c'est assez fantastique parce qu'on a une rythmique qui est quand même très présente. Peut-être que ça rappelle aussi les morceaux d'un groupe de rock, je ne sais pas. En tout cas, on entend très bien un « qui se répète au loin. Et surtout, à la basse, on a une note répétée grave qui est jouée par le piano. Et qui est très intense et présente. Et du coup, d'ailleurs, ces deux notes-là que je viens de vous chanter, elles sont à la quinte. Et ce principe de quinte, c'est utilisé depuis le Moyen-Âge et ça a été beaucoup utilisé dans le chant grégorien. Et c'est la base, quoi. On utilise les quintes et c'est souvent pour faire justement de la musique religieuse. Donc, c'est pas innocent de l'avoir mis là. avec des sons électroniques qui rajoutent quelque chose dans la rythmique, qui sont toujours présents. Et du coup, en fait, cette note répétée, l'explication, c'est une note pédale, ça s'appelle. C'est-à-dire que c'est une note comme si on la maintenait longtemps, vraiment en bas. Et elle va rester tout au long du morceau, qui va donner une couleur toute particulière, parce qu'en fait, on ne va jamais changer de basse. Et du coup, on reste dans quelque chose de très stable, en fait. Et c'est également ce qui va se passer avec les chanteurs, du coup. C'est également ce qui va se passer avec les chanteurs, parce que donc on a un chœur d'hommes et une voix soliste, un homme également. Il y a aussi des voix de femmes qui vont s'ajouter plus tard en deuxième oui, voix. Oui, c'est ça. Mais et là, ils utilisent donc cette technique-là aussi. Donc ils sont tous sur la même teneur et comme tu l'as déjà dit, c'est évidemment les méthodes du chant grégorien. Et quand on entend un chœur d'hommes avec des résonances comme ça, évidemment, on pense évidemment au chant grégorien dans les vieilles bâtisses, etc. Donc là, on se retrouve vraiment dans une cathédrale. Voilà, et c'est complètement adapté. Et ce qui est assez intéressant de noter entre les deux versions de la cathédrale, c'est qu'on a cette ambiance sacrée qui est bien présente et bien choisie, chacune traitée de différentes façons. Par contre, là où on voit la différence, c'est au niveau de la voix. Vraiment, on a la voix aiguë, les voix aiguës à l'unisson qui sont vraiment en chœur dans la première version de Binding of Isaac et dans la deuxième version qui est là pour le coup avec des voix graves, voix d'homme, et il y a même un soliste. Donc c'est une autre utilisation de la voix, même si les ingrédients de base sont presque les mêmes en fait. Il est maintenant temps de conclure cette émission et on va partir avec une petite musique, cette fois d'Antiburst, donc de Mudes en conclusion. Donc ça, c'est la Forgotten Lullaby de Mudes dans la bande originale de Binding of Isaac Antiburst. Donc voilà, on a réussi à caser quand même trois jeux et trois compositeurs en une émission. Et là, on va faire un petit récap, on va donner nos notes. On va commencer évidemment avec Danny Baranowski, hein, hommage aux anciens. Donc qui est quand même très très fort et qui là nous montre avec donc son style vraiment prépondérant, qui est de faire des mélodies entêtantes qui restent dans la tête. Donc où il est très très fort pour ça dans tous ses jeux. Il nous fait du coup parfois des boucles un peu trop rapides, je trouve, à mon goût, ce qui fait que sans jouer au jeu, l'écoute de ses musiques est un peu plus répétitive et donc un peu plus lassante parfois. Par contre, ce qu'on ne peut pas lui reprocher, c'est le manque de diversité dans ses morceaux, parce que par contre, d'un morceau à un autre, c'est quand même très différent. Il a mis de la musique chiptune, il a mis de la musique rock, on en a moins passé, mais il y a vraiment des morceaux qui sont très rock dans la bande originale de Baranowski. Et il y a aussi de l'orchestre, il a vraiment déployé beaucoup d'instruments différents pour faire sa musique, et je trouve que ça marche très très bien, et c'est vraiment une musique de qualité. Alors cette fois, par rapport à Ridiculon, donc la deuxième version, on peut dire que les morceaux sont un peu plus construits. On sent qu'il y a vraiment de l'influence du travail de morceaux créés vraiment pour les jouer ou les chanter sur scène. Après, il y a aussi le sound design qui est très très présent, et là c'est très différent de ce qui a été fait par Danny Baranowski, avec toutes ces ambiances lancées avec juste des sons, sans doute enregistrés par eux-mêmes, et qui donnent un côté beaucoup plus organique, en fait, assez différent. Et puis, du coup, elle est forcément moins rythmée, parce que, la plupart des musiques, parce que justement, on a enlevé cette dynamique de morceaux sur les moments sound design, où du coup, on a quelque chose de beaucoup plus planant et qui fonctionne bien aussi quand on joue avec, et puis qu'on est à fond dans l'histoire, de toute façon, à fond dans le jeu. Et enfin, notre chouchou, on peut le dire, Mudes, qui est arrivé donc, un peu comme ça par hasard, qu'on ne connaissait absolument pas. C'est d'ailleurs très difficile de trouver des informations sur lui. Qui arrive avec une musique donc, qui est entre un retour aux sources, avec vraiment la musique de Danny Baranowski en tête, c'est sûr et certain. D'ailleurs, ce que vous écoutez, Forgotten Lullaby, utilise un des thèmes de Binding of Isaac de Baranowski. Donc vraiment, lui, il est dans l'hommage, c'est sûr. Mais en même temps, il y a aussi de l'innovation, donc il y a un mélange d'un peu tout ce qu'il a écouté avant et ses propres influences. Donc on se retrouve avec des boucles qui sont beaucoup plus longues que celles de Baranowski, qui fait qu'on se retrouve avec des morceaux beaucoup plus construits, un peu comme l'affaire Ridiculon, et en même temps des mélodies super présentes, super accrocheuses, qui marchent très très bien. Enfin voilà, moi personnellement c'est mon chouchou. Je m'y attendais pas du tout et vraiment j'ai été vraiment charmé par cette BO. Et moi de mon côté, c'est vrai que j'ai pas joué à cette nouvelle version, moi qui suis accro à la version sur PS Vita, et là c'est pas sorti cette version là sur PS Vita, donc je la connais très peu. Par contre, pour avoir écouté les musiques et préparé cette émission, je tiens à dire que c'est, je pense, la meilleure musique, la meilleure bande originale faite entre les trois. C'est très abouti, on sent vraiment l'hommage et ça tient debout, c'est impressionnant. Et moi, je suis toujours hallucinée de me dire que c'est peut-être le moins connu des trois, alors que ben, c'est sans doute celle qui marche le mieux, quoi. Ouais, c'est vraiment très très fort ce qu'il a fait. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que les trois ont très bien cerné les différentes ambiances du jeu. L'aspect cartoon, parce qu'on en a moins parlé, mais au niveau du dessin, du coup, c'est vraiment un aspect cartoon et pixel art ensuite dans les autres versions. Le côté évidemment glauque, parce qu'on parle d'une histoire qui est très malsaine, enfin on parle d'infanticide quand même, donc c'est assez compliqué. Le côté mélancolique, qu'on entend bien d'ailleurs avec la musique en fond là, mais qui est vraiment dans l'aspect du jeu aussi. Et le côté intense, parce que c'est quand même beaucoup de combats, Binding of Isaac, et c'est très intense aussi parce qu'on ne veut pas mourir, parce que si on meurt, on recommence tout depuis le début, hein, on vous le rappelle. En tout cas, trois versions très différentes, trois visions très différentes du jeu Binding of Isaac, qui sont complémentaires les unes aux autres. Je pense qu'un mix de toutes ces musiques, on a la BO parfaite pour le jeu. En tout cas, nous, ce qu'on peut vous conseiller, c'est évidemment de jouer à Binding of Isaac. Donc les versions classiques, donc Binding of Isaac, qu'on appelle Vanilla, on va dire, et la version Anti-Burst sont uniquement sur PC. Si vous voulez jouer à la version Rebirth, il y a la version PS4 et PS Vita qui est également disponible. Tout ça, ça coûte entre 15 et 20 euros, ça dépend si vous achetez les extensions et tout ça, mais pour une vingtaine d'euros, vous avez un jeu incroyable et qui est d'une profondeur gigantesque avec des dizaines et dizaines d'heures de jeux qui vous attendent. En plus, moi, quand on m'a dit « tu verras, c'est la même chose à chaque fois », mais en fait, non, pas la même chose, je me suis dit « oh bah ça va être saoulant, on va refaire toujours la même chose à chaque fois », et en fait, pas vraiment, je voyais pas trop l'intérêt. Et c'est vrai que quand on commence à se prendre au jeu et qu'on essaie de pas mourir et qu'on commence à avoir 2-3 astuces pour pas mourir dès le début, c'est impressionnant comme on adore ça. Et en effet, le côté remise en jeu à chaque fois, enfin changement de chaque niveau, du coup on a l'impression de faire un jeu différent à chaque fois. Ça passe tout seul et on veut tellement pas mourir et arriver au bout, faire toutes les fins possibles qu'on s'en lasse pas, quoi. Donc on vous conseille d'écouter évidemment la musique de ces compositeurs qui sont vraiment à suivre. Allez sur leur Bandcamp, la musique coûtera entre 2$ et 15$ pour avoir les bandes originales. C'est gratos vu la qualité du boulot fourni. On vous conseille donc évidemment de jouer à Binding of Isaac et on vous conseille d'écouter évidemment l'émission OST parce que nous on en a terminé. Malheureusement pas de niveau bonus. Là on arrive vraiment à la limite de la limite et on a casé tout ce qu'on voulait caser. On est déjà bien content. Donc voilà, on vous remercie évidemment d'avoir écouté l'émission. On espère que ça vous a plu et nous on se retrouve évidemment dans un petit mois et on vous souhaite un bon week-end sur les ondes de Radio Dijon Campus. Bon week-end à tous.